الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فنواصل مع مجالس رمضان مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله وكنا قد وصلنا إلى المجلس 17 قال رحمه الله المجلس 17 في أهل الزكاة بعدما ذكر ما يجب أن يزكى ذكر لمن تعطى الزكاة. Doucement les frères à l'extérieur, barakallahu fikoum. Alors dans l'assise, la 16e assise, le cheikh rahimahullah, il a cité c'est quoi les biens qui sont assujettés ou concernés par zakat. Wa qulna anna الزكاة ما يجب ما يزكى الذي يجب أن يزكى ما هو c'est quoi les biens qui sont concernés par الزكاة النوع الأول النوع الأول ما يخرج من الأرض c'est ce qui sort de la terre comme récolte et autres هذا كم يجب فيها الزكاة la personne doit sortir combien de زكاة hein العشر على تفصيل يعني ديتاي العشر أو نصف العشر سواء le un dixième سواء le un vingtième alors le un dixième إذا كان يسقى بماء المطر c'est-à-dire si l'irrigation ou l'arrosage a été fait par يعني naturellement que la personne n'a pas fait défaut ou n'a pas dépensé de l'argent فهذا يزكى بالعشر لأن ديزيان نصف العشر لأن فانتيام c'est dans le cas pour la personne par exemple elle utilise des pompes la dépuis pour puiser de l'eau si maintenant il y a des dépenses et des efforts là il sort le 1 vingtième هذا الأول الصنف الثاني ما يخرج منه الزكاة الأنعام زكاة الأنعام زكاة الأنعام لبسو والمخصوص بها الإبل والبقر والغنم ظأنا كانت أو معز حمدك الله زكاة دي بسو Et les bestiaux concernés par Zakat, c'est quoi? C'est les chameaux, les vaches, il y a les bovins et les ovins. Soit des moutons ou là des chèvres. Zakat al-Ibil, combien? À la kulli khams, à partir de 5 chameaux, il doit sortir quoi? واحد منها شاة من الشياه واضح et plus que le nombre augmente plus que le type de ce qu'on doit sortir change c'est pas tout le temps un parmi les ovins mais c'est par rapport au nombre Plus que le nombre des chameaux, là, des chamelles augmente, là, ce qu'on doit sortir change. Al-Baqar, 30 Baqara. Wal-Ghanam, 40. Il y a 40 personnes. Il y a 40 personnes. اللي عنده 100 عنده 2 اللي عنده 119 عنده 2 120 3 وهكذا واضح مما تؤخذ on prend d'où من أوسطها يعني le moyen parmi les ovins et les bovins on ne prend pas le meilleur واضح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال فإنهم أطعوك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم وإياك دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب يعني الخبا قلت الخبا صلى الله عليه وسلم أنظر معاذ بن جبل ويمن il lui a dit tu vas voir des gens du livre et la première chose à laquelle tu vas les inviter c'est l'attestation shahadat la ilaha illallah et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah il a dit si ils te répondent à ça informe-les qu'Allah azza wa jalla leur a légiféré 5 prières par jour et nuit si ils te répondent à ça informe-les qu'Allah azza wa jalla leur a légiféré une zakat qu'on récupère de leurs riches pour la verser à leurs pauvres et évite de prendre les meilleurs de ce qu'ils possèdent et fais attention de la de l'invocation de l'opprimé car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala فعد هذا أنك لو تأخذ من كرائم أموالهم عده ظلم واضح de prendre le meilleur de ce qu'ils possèdent وهذا الزكاة الأصل أن يعطيها المرء عن طيب نفس il doit la donner avec يعني son propre gré voilà avec un bon cœur maintenant si toi tu viens et tu lui prends le meilleur de ce qu'il possède forcément tu vois les فيه ماذا الإكراه لي لما شرع الله عز وجل alors on prend quoi تأخذ من أواسط ما يمتلك هذا النوع الثاني النوع الثالث troisième catégorie الذهب والفضة وما نحى نحوهما l'or et l'argent est-ce qu'il a le même jugement que مقدار الذهب كم إذا في غير 20 دينار الأصل 20 دينارا ذهبا والدينار هذا الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعادل il pesait combien 25 grammes. 4,25. Alors, si on multiplie 4,25 fois 20, ça nous donne les 85 grammes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa ala aqal min 20 dinar sadaqa. Par rapport à la fidda, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 awaqi. Wal-uqiyya 40 dirhaman min fidda. فتكون زكاة الفضة على 200 درهم ووزنها 595 غراما alors c'est ça le النصاب le seuil de زكاة pour celui qui possède de l'argent ou de l'or من ملك غير النصاب ولكنه إذا جمع صار نصابا عليه زكاة أم لا نعم عليه زكاة مثال ذلك شخص عنده 20 دينارا عنده 10 دنانير ذهب quelqu'un il possède par exemple 40 ou 50 grammes en or et il possède 400 grammes en argent le total il dépasse le nisab et bien il est considéré par zakat il est concerné par zakat فالأنصبة تجمع ولا يشترط فيها أن يكون النصاب في النوع الواحد مفهوم c'est clair si maintenant quelqu'un par exemple il a de l'argent il a de l'or qu'est-ce qu'il fait et bien il regroupe tout même s'il a du liquide essentiel si la totalité elle dépasse le seuil il doit il doit sortir à zakat. هذا النوع الثالث. النوع الرابع عروض التجارة. Zakat qui concerne les biens commerciaux. وهذه كيف تخرج؟ متى بلغت نصابا ودار عليها حولا والحول. Quand on parle d'un haoul, quand on dit il faut déjà qu'elle atteigne le seuil, et aussi il faut qu'elle reste une année hijrienne. كل الحسابات المتعلقة بالشرع إنما تحسب بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية. On doit les calculer par rapport à les mois lunaires. Quand Allah عز وجل dit مثلا فمن لم يجد منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. Celles qui perdent son mari. Son عدة c'est quoi? Son délai de viduité, il est de 4 mois. Et 10 jours, 4 mois quoi? 4 mois lunaires. Et c'est la même chose concernant Az-Zakat. Il faut une année lunaire, à savoir par exemple de Sha'ban à Sha'ban, de Ramadan à Ramadan. Et la personne, elle a une date, à chaque fois que cette date, elle revient, il s'acquitte de sa Zakat. Il fait le calcul de ce qu'il a, et il sort sa Zakat. Al-An. قال رحمه الله في أهل الزكاة أكيد عن الزكاة. سكي كدوا كدوا توشي ولا سكي كميريت ست زكاة. قال رحمه الله الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع فأهبطه من عليائه وقمع وفرق من شره ما اجتمع صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم شجاعته يوم الردة وطلع وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. قال إخواني قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها. أين الحصر؟ إنما الصدقات بدأ بإنما أداة حصر على أن الصدقات إنما تخص هذه الأصناف الثمانية لا غير، لذا قال وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة أو غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة، يعطى من لا راتب من له راتب لا يكفيه وعائلته يعطى من الزكاة ما يكمل كفايته لأنه ذو حاجة. Alors, cher Mu'tamir, rahimahullah, dit, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa femme et ses compagnons. Alors, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah azza wa jal en lui vouant un culte exclusif. Et on s'écarte, et en s'écartant de tout associalisme, d'accomplir la prière, de s'acquitter de l'aumône légale, et voici la religion de droiture. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: certes, les aumônes légales ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, aux prospecteurs, ou là aux prospecteurs, à ceux dont les cœurs sont à prendre pour affranchir les esclaves, aux endettés dans le sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse. Voici le décret d'Allah, et Allah est savant et sage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les destinataires de la zakat en fonction de sa science, de sa sagesse et de sa justice et de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et ils sont limités à 8 catégories. Et où on trouve la restriction? C'est dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: certes, les aumônes légales ne sont destinées qu'aux pauvres. Il a cité les 8 catégories. C'est-à-dire, c'est limité à ces 8. Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité les destinataires de la zakat en fonction de sa science, de sa sagesse, de sa justice, de sa miséricorde, et ils sont limités à 8 catégories. Puis il a spécifié subhanahu wa ta'ala que le versement de cette aumône à ces 8 catégories est une obligation formelle, et que ce partage émanant ou émané de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa sagesse, il n'est donc pas permis de la donner à quelqu'un d'autre, car Allah Azza wa Jal connaît mieux les intérêts de ses serviteurs que quiconque. Il agit avec sagesse subhanahu wa ta'ala en mettant les choses à leur place. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour des gens convaincus. Les deux premières catégories, c'est les pauvres et les indigents. Il désigne ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille pour vivre dignement. Ils ne possèdent ni argent ni salaire, à savoir un salaire fixe. Et ils n'ont pas de métier, et ils ne possèdent pas de récolte. Et ils ne sont pas pris en charge par personne. Ils sont donc dans le dignement le plus total et ont besoin d'aide et de soutien. Les savants disent qu'il faut leur donner une partie de la zakat suffisante pour couvrir les besoins et ceux qui sont à leur charge pour une année complète, jusqu'à ce que le paiement de la zakat de l'année suivante arrive. Il est permis de la donner aux pauvres qui souhaitent se marier afin de couvrir ses frais, ainsi qu'à l'étudiant en sciences qui n'a pas d'argent pour acheter des livres dont il a besoin. Ça, c'est Cheikh Al-Mahdimah, Allah, il dit un talib al-ilm يعطى من الزكاة. Il est aussi permis de la donner à quelqu'un qui touche un salaire, mais dont le montant est insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Quand on parle de l'insuffisance ici, ce n'est pas pour passer des vacances, on l'a pour des loisirs, on l'a pour des divertissements. Là, il parle de ce qui est, voilà, de la première nécessité. Quelqu'un qui n'arrive pas à couvrir ses charges de première nécessité, à savoir de manger, voilà, par exemple, d'être, le traitement médical, par exemple, ou le loyer. C'est mabrouk. Par contre, maintenant, pour acheter une voiture, si c'est une nécessité, نعم يعرف واضح متى إذا كان لا يستطيع أن يستغني عنها مثلا في عمله أو غير ذلك واضح. Et maintenant, c'est pas pour lui donner pour des loisirs, des divertissements, ça fait pas partie de ceux qui sont concernés par la zakat. Il a dit rahimahullah, et il est aussi permis de la donner à quelqu'un qui touche un salaire, mais dont le montant est insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Par contre, elle ne doit pas être versée à quelqu'un qui a une rentrée d'argent suffisante, même s'il la demande. وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى بأن يأتي يوم القيامة. في رواية أخرى لا يأتي يوم القيامة إلا وهو عظام تتقعقع لها صوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. إنما يسألهم جمرا. الآن إذا أراد أن يكون هذا الجمر كثير فليكثر من المسألة، فليستقل أو ليستكثر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط. يعني يعامل بخلاف ما أراد، وكان يريد أن يستغنى أو أن يستغني بالمسألة فيفتح عليه باب فقط. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنه وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين كان شابين جلدين، فماذا قال لهما؟ قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي الحديث الآخر لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا صدقة لغني ولا لذي مرة، لذي مرة يعني كامل الجسم صحيح البدن، هذا لا يعطى الزكاة، وإنما ينصح بأن يكتسب هو المال. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، الحديث الذي ذكره الشيخ لوريدي رحمه الله. Par contre, il n'est pas permis de la donner et il ne doit pas et elle ne doit pas être versée à quelqu'un qui a une entrée ou une rentrée d'argent suffisante même s'il la demande. Il faut le conseiller et le mettre en garde contre le fait de réclamer de l'argent auquel il n'a pas droit. والناس إذا لم يكن هذا استكثارا فما هو والأصل أنه واحد يتعفف عن المسألة هو لا personne n'a pas demandé sauf يعني vraiment dans des cas de nécessité extrême mais sinon le Nabi صلى الله عليه وسلم quand il a mis en garde ses compagnons par rapport au fait de demander aux gens ils l'ont pris même pour des choses futiles. Et Abu Bakr radiyallahu anhu s'en fouait, il est tombé alors qu'il était sur sa monture, il a demandé à personne, c'est lui qui est descendu pour le chercher. كان الواحد منهم حتى إذا وقع خطام ناقته من أو صوته من على راحلته لا يسأل أحدا فينزل وحده ليأخذ. Il vous rappelle la parole de Hassan Basri. ماذا قال حسن البصري؟ نسيت الكلمة. قال رحمه الله: حفر بئرين بإبرة. هذا محال تقريبا. حفر بئرين بإبرة ونزح بحرين بغربال وغسل عبدين أسودين حتى يصير كأبيضين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين. قال: أحب وأهون علي أن أقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء وجهي. De faire ces choses là qui sont quasiment impossibles. Hassan Basri dit le fait de creuser deux puits avec deux aiguilles, c'est quasiment impossible. حفر بئرين بإبرته ونزح بحرين, c'est-à-dire le fait de vider deux mers ou là, deux océans avec deux talis et de laver deux personnes qui sont noires jusqu'à ce qu'ils deviennent blanches et de balayer la terre de l'Hijaz avec deux plumes pendant une journée où il y a du vent. Et il dit mais préférable et plus facile pour moi que de me mettre devant une autre porte que la porte d'Allah Azza wa Jalla, dans laquelle je perds là ma dignité et ma fierté. فعلى المرء أن يتعفف من هذا. Allah Azza wa Jalla قال, هذا قال في البقرة, للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إذا رأيته تحسبه غني وهو من أفقر وأحوج الناس ولربما لا يملك قوت يوم. Ils ont cette fierté là et quand tu les vois tu crois qu'ils sont riches alors qu'ils sont les plus pauvres et ils sont dans le besoin. Abu Hurayra رضي الله عنه من شدة الفقر أنه كان يصرع عند المنبر. هل كان يسأل؟ ما كان يسأل. قال: كنت أصرع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يظنون أن بي مس وما بي إلا الجوع. ما بي إلا الجوع. قال: فسألت فخرجت وسألت أبا بكر عن آية وهي معي بغية أن يصطحبني معه. قال: فأجابني ومضى. ثم خرج عمر فسألته عن الآية وهي معي بغية أن يصطحبني معه. قال: فأجابني ومضى. قال: وما حملني على فعل ذلك إلا جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما سألته عن شيء إلا واصطحبني معه ثم أجابني. قال: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلي عرف ما بي. نظر إلي عرف أنه لم يأكل منذ أيام. قال أبا هر الحق بنا. فوصل إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسأل فإذا بي منيحة لبن قد أهديت إليه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا هريرة قال ادعو أهل الصفة. قال فأحزنني ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه لأنها مجرد إناء فيه لبن، وأهل الصفة على خلاف ما ذكر من عدده، منهم من قال 40 ومنهم من ذكر ابن الأثير ذكر حتى 400 شخص. فكيف لهؤلاء حول إناء لبن؟ قال فأحزنني ذلك، وكونه هو الساقي فهو آخرهم شربا. قال فجعل يدخلهم على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا حتى لم يبقى إلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي أحد؟ قال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله. قال اجلس. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال والله لا أجد له مسلك. قال ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أنه ما كان يسأل مباشرة. فتجد الناس الآن ربما في حاجة، ولكن والله من يتق الله عز وجل يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. celui qui craint Allah عز وجل, Allah عز وجل lui trouvera une issue favorable. Abu Huraira tellement il était pauvre, il tombait dans les pommes. Et les gens, il a dit, et les gens pensaient que j'étais touché par un mess, une possession. Il dit alors que ce n'était que la faim. Il a dit, j'ai posé une question par rapport à un verset à Abu Bakr radiallahu anhu, alors que je connaissais l'interprétation du verset, je connaissais l'explication. Il a dit juste pour qu'il me ramène avec lui. Il a dit, il m'a répondu, il est parti. Il a dit, Omar radiallahu anhu, il est sorti. Et j'ai posé une question par rapport à un autre verset, alors que je connaissais son interprétation. Et il m'a répondu, il est parti. Il a dit, ce qui m'a poussé à faire cela, c'est Ja'far, le cousin du prophète. À chaque fois que je lui demandais une chose, il me disait, viens avec moi, et après je te répondrai. Il a dit, quand le prophète m'est sorti, et il m'a regardé, il a compris ce que j'avais. Il a dit, Abba Her, rejoins-moi. Quand il est rentré chez lui, il a demandé, est-ce qu'il y avait quelque chose à manger? Il a dit qu'on t'a offert un peu de lait. Le prophète m'a demandé à Abu Huraira, il lui a dit, appelle les gens de Sofa. Ahl al-Sofa, c'est qui? C'est les pauvres qui sont venus de toutes les tribus. Ils étaient des pauvres. Et le prophète, il leur a consacré une partie dans sa mosquée. Et les savants ont divergé par rapport au nombre. Il y a ceux qui disent 400, comme Ibn Athir rahimahullah, et d'autres qui disent 40. Abu Huraira radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit appelle les gens de Sofa, il dit ça m'a attristé. Les premiers rangs, il n'y a qu'un peu de lait. Et deuxièmement, c'est moi qui va aller leur servir. Ça veut dire je suis le dernier à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais les rentrer par groupe jusqu'à ce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit est-ce que il restait quelqu'un? Il a dit reste que moi et toi au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, il a dit assieds-toi. Il a dit bois. Il a dit j'ai bu. Il a dit une deuxième fois bois. Et la troisième fois jusqu'à la quatrième fois il a dit par Allah ça y est je ne trouve plus de passage pour se lever. Après il s'est assis sallallahu alayhi wa sallam et il a bu. Et shahid c'est la preuve de ce récit, c'est qu'il ne demandait pas. Ifa. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il était tellement touché par la pauvreté où sa femme, قالت, إن ابنتك تصرع من الجوع. Elle tombait dans les pommes tellement, ça faisait des jours qu'elle n'a pas mangé. قال وكان رجلا وكان هناك رجل قد عرض علي إن نزلت بي حاجة أن آتيه. قال فهممت بعزمي أن أزوره. Ibrahim Nadim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et il y avait quelqu'un qui m'a proposé si j'aurais besoin de quoi que ce soit, de lui demander. Il a dit, j'avais l'intention d'aller le voir. Il a dit, en sortant, قال مررت بمسجد فوقع في نفسي ان اصلي فيه. Je suis parti et je suis passé par une mosquée. Et c'est comme j'ai voulu prier dans cette mosquée avant de partir voir cette personne. قال فلما كنت في التشهد فاذا بي سنة من النوم. قال فاذا بي اسمع يا ابراهيم أتدل الناس علي وتنساني؟ قال فانصرفت عما كنت قد نويته. Pendant le tashahud, c'est comme il a entendu lui dire, ô Ibrahim, tu montres et tu guides les gens vers moi alors que toi le premier tu m'as oublié. Il a dit, j'ai renoncé à aller voir cette personne et je suis rentré chez moi. قال فما وصلت الى بيتي الا والرجل قد بعث لي باضعاف اضعاف ما كنت ساساله. C'est-à-dire, en rentrant chez moi, j'ai vu que la personne, elle m'a envoyé plusieurs fois, يعني 3 ou 4 fois de ce que j'allais lui demander. هذا لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ضمن رزق كل عبد. فما وجب كما قال احد السلف قال ما وجب على فكيك ان يمضغا وجب عليهما ان تمضغا فلتمضغه بعزه فلتمضغه بعزه سيصلك سيصلك فلتمضغه بعزه ولا تبع ماء وجهك. Ce qui a été décrété pour que tes mâchoires le mâchent, ils vont le mâcher. Alors à la limite, mâche-toi avec fierté. Ne te rabaisse pas. Comme on dit, nous avons fait une demi-heure. هذا الصنف أو الصنف الأول. الأول والثاني. الأول والثاني قلنا فيهما عموم وخصوص. D'accord. On s'arrête là في الصنف الأول والثاني. الصنف الأول والثاني منهم من قال إذا ذكر الفقير وحده دخل المسكين. Si on cite juste le pauvre, l'indigent il rentre. يعني il englobe l'indigent. Et si on cite juste l'indigent, ça englobe le pauvre. أما إذا ذكر معا افترق. قالوا أن الفقير أشد حاجة والمسكين. الفقير قالوا من لا يكسب قوت يومه. قالوا الفقير هو المعدوم. Celui qui n'a rien. المسكين. Ils disent que celui, c'est celui qui a quelque chose, mais ça ne lui suffit pas. وبدليل, on a dit le verset dans Sourate Al-Kahf. Allah Azza wa Jalla, il a dit: وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. Allah Azza wa Jalla les a qualifiés par des indigents, par Masakin, alors qu'il possédait un bateau. Alors il reste combien? Là on a cité combien? 2. Il reste 6. On va les voir, inshallah, dans les jours qui viennent. Allah Ta'ala, ala wa ala, subhanahu wa ta'ala, wa hamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.